carte. Mon bord j'ai la tartage, équipé et le pactage. Il reste peu gros, je partage. Toi, toi, toutes tes humeurs sont falses. Pars pas avec moi sous flash. Météore transverse comme flèche. Te faire du mal, mal, rien n'en empêche. Parle monnaie, euro, parle-moi en aige. Je vide mes boules, je remplis ça comme si je la tège. Je baise les Nina des Maria, ma tête c'est Nadège. C'est grave la dèche, cousse, personne à la rescousse. Un ordi, on les baisse tous. T'es pas des notes si on t'a mis le doute. C'est grave la dèche, cousse, personne à la rescousse. Un ordi, on les baisse tous. T'es pas des notes si on t'a mis le doute. Je débite, oh je débite. Je mets le cali, oh je débite. Fonce des comme Johnny, Hallyday, je débite. C'est terrible. Je suis dans les périphes. Hier je t'ai dit. Hier je t'ai dit. Hier je t'ai dit. Je pose dans son. Hier je t'ai dit. Je t'ai dit pas la chicha. Hier je t'ai dit. Et ça smash fort chez les yages Vili. Hier je t'ai dit. Lâche Bibi des lyrics. Je débite mes lyrics comme Bibi. Hop délit. Juste balle. Juste en branle, R on fait de la musique. Et tu te méniques, fais pas crari. Si elle cherche trop, je sors mon calibre. Je mets le calibre, je mets la web. Et t'as mis les corps, les questions. Et t'as mis les Gucci, les Fendi. Je débite, oh je débite. Je mets le calibre, oh je débite. Fonce des comme Johnny, Hallyday, je débite. C'est terrible, je suis dans les périphes. Je débite, oh je débite. Je mets le calibre.